즈 솔로. Laisse dans le cœur des ardoises. Les grands voyageurs laissent les tuiles aux Tuileries. Cherchent des amuse-gueules. Au buffet de la gare, trouve des femmes seules pour me famer. À quatre pattes intactes. Ce sont les grands voyageurs. Restart. I make a mistake. One, two, three, four. A mistake, mistake. Now I restart. But I'm looking for the measure one. Fuck on the bitch. Allez, c'est parti. Laisse dans le cœur des ardoises. Les grands voyageurs laissent les tuiles aux Tuileries et cherchent des amuse-gueules. Les grands voyageurs. Au buffet de la gare, trouve des femmes seules pour hommes affamés. À quatre pattes intactes. Ouais, c'est ça, les grands voyageurs. Sur le ventre d'une âme sœur, ne respectent pas les consignes, ne font pas de cadeaux. Les grands voyageurs vous donne la migraine avec des récits captivants. Come on! Il s'appelle Crew à la guitare du Canada. Mr. Crew à la guitare. C'est un grand voyageur lui aussi. Les grands voyageurs laisse dans le cœur des ardoises. Les grands voyageurs laissent les tuiles aux Tuileries et cherchent des amuse-gueules. Au buffet de la gare, trouvent des femmes seules pour hommes affamés. Les grands voyageurs se posent sur le ventre d'une âme sœur, ne respectent pas les consignes, ne font pas de cadeaux, sinon des solitaires, et j'y ris en souffrant. Vous donne la migraine avec des récits captivants. À quatre pattes intactes. Au buffet de la gare. C'était les grands voyageurs avec un super solo de Mr. Crew. Vous pouvez applaudir Mr. Crew du Canada.